11, Huitari-Ho. Bonjour à tous et bienvenue à ce journal dont voici d'abord les principales articulations. La Commission nationale de désarmement de la population civile et de lutter contre la prolifération des armes légères trouve qu'il y a encore des personnes qui détiennent des armes illégalement. Vous entendrez dans ce journal le président de la Commission. Désormais, les directeurs dans les écoles auront moins de 30% dans les évaluations de fin de cycle, seront suspendus de leurs fonctions. Un clin d'œil selon le président du syndicat Conapes qui estime que c'est pour qu'ils s'acquittent convenablement de leur mission. 8 militants de la coalition Amizero ya Barundi qui avaient été arrêtés il y a plus de 3 mois par l'administrateur communal d'Ngozi ont été libérés. Un élève du lycée communal urbain de Rumonge a succombé ce lundi suite à un coup de gourdin lui infligé hier dimanche par le frère de sa copine qui s'opposait à leur amitié. Et puis en international, l'opération de révision du fichier électoral a débuté hier dimanche en République démocratique du Congo. Encore une fois, bonjour et bienvenue à cette édition. Isanganiro, la radio. La Commission nationale de désarmement de la population civile et de lutter contre la prolifération des armes légères trouve qu'il y a encore des personnes qui détiennent illégalement des armes. Commissaire de police Laurent Kaboura, président de cette commission, explique que plus de 30 fusils et autres effets ont été collectés au cours de ces 5 premiers mois de l'année en cours. Laurent Kaboura souligne que plusieurs armes ont été remises malgré certains cas de criminalité qui s'observent ces derniers jours. Suivez-les. Nous avons mené beaucoup d'activités en rapport avec le désarmement de la population civile. La principale de nos activités est axée sur la sensibilisation pour essayer de convaincre, de montrer les méfaits de la détention illégale des armes légères. Jusqu'à présent, on a saisi 37 fusils d'assaut, 6 pistolets, 12 bombes, 56 grenades, 2546 cartouches et 51 chargeurs. Oui, on entend que la commission est à l'œuvre, mais ces derniers jours, on entend la police qui saisit des armes et on entend souvent des explosions de grenades. Mais est-ce qu'on peut dire que la commission a commencé à se pencher sur cette situation sécuritaire qui tend à être critique? La commission fait ses activités de désarmement comme il y a d'autres malfaiteurs qui tentent toujours de se réarmer pour des fins inavouées. C'est pourquoi, à cet moment, vous trouvez que la situation sécuritaire change d'un moment à l'autre. Au vu de tout ce qu'on a fait, moi, je reste convaincu que plusieurs armes ont été remises, mais que quelques cas de criminalité peuvent s'observer avec l'usage des armes à feu pour des personnes qui ne répondent pas immédiatement à l'appel. Commissaire de police Laurent Kaboura appelle les détenteurs illégaux de ces armes à feu à les remettre, mais ajoutait-il, il faut qu'ils se justifient du retard encaissé par rapport au décret présidentiel qui faisait appel à la remise volontaire de ces armes. Je reste convaincu que ces détenteurs illégaux pourront remettre ces armes. Vous savez que le désarmement, tout d'abord, il faut désarmer les esprits. C'est ce qui est très important. Si les esprits seront désarmés à cet moment, je me dis que ces gens qui ne répondent pas à notre appel pourront remettre à un certain moment ces armes. Est-ce qu'ils ne peuvent pas encore hésiter qu'ils peuvent être arrêtés lorsqu'ils remettent ces armes? Ils peuvent remettre ça tranquillement du moment que nous disposons des forces de l'ordre qui sont sur le terrain. Et celui qui veut les remettre peut approcher ses organes, mais aussi expliquer pourquoi ils n'ont pas été au rendez-vous le jour où son Excellence président de la République avait décrété un décret qui permettait de remettre aisément sans poursuite judiciaire à toutes ces détenteurs. Ces explications ne peuvent pas limiter le nombre de remises de ces armes. Je ne pense pas parce qu'on a eu beaucoup de cas qui ont fait de la même chose et que ces explications ont convaincu les responsables qui ont récupéré ces armes. Détenir une arme illégalement, c'est détenir toute une problématique chez soi, dans ta famille et aux environs. Donc, pour éviter que tout cela ne soit un calvaire pour eux, je fais un appel vibrant à toute personne qui détient illégalement les armes puisse les remettre sans délai. Un certain Élisée Nkurunziza, élève au lycée communal urbain de Rumonge au sud du pays, a rendu son âme ce lundi. Il a succombé à ses blessures suite à un coup de gourdin lui infligé hier par le frère de sa copine qui s'était opposé à leur amitié. Le présumé auteur du crime se trouve dans les mains de la police selon le commissaire provincial de police à Rumonge. En page éducation, les directeurs des écoles sont les premiers à donner des comptes pour ce qui est de l'échec ou de la réussite des écoliers. Cela est dit par l'inspecteur général de l'éducation, Herménégilde de Boulikou, qui indique que c'est une des motivations qui ont poussé à ce que le ministère de l'Éducation nationale puisse prendre la mesure de destituer les directeurs d'écoles publiques et privées qui n'auront pas eu un taux de réussite de 30% au concours national. Suivez Herménégilde de Boulikou, qui est au micro d'Alida Ndaikeza. Dans l'intention de pouvoir augmenter le taux de réussite, ce taux de réussite passe par des enseignements de qualité et alors un encadrement de proximité, que c'est le directeur de l'école qui est le premier responsable pour pouvoir pousser les enseignants à dispenser convenablement les cours, à s'acquitter de leurs missions. Si donc les réussites ne sont pas bonnes, c'est-à-dire que également la responsabilité du directeur est mise également en doute. Il y a des élèves ou des écoliers qui étudient assis sur les pierres. Et il y a également des manques des manuels, des outils didactiques, et également des infrastructures qui ne sont pas suffisantes. Est-ce que cela ne sont pas des causes à ce taux de réussite qui est faible? Le problème n'est pas là. Je dois signaler que concernant les livres, en 9e, en 8e, sont amplement suffisants. Concernant les autres matériels didactiques, je dois dire qu'on ne se lamente pas beaucoup. Sinon, jusqu'à à présent, je ne connais aucun établissement où les élèves de 7e, de 8e, de 9e s'assoient sur des pierres. Peut-être que quelque part, on aura rencontré une situation de genre dans les classes de première, mais là aussi, je pense que la situation tend à changer. Il y a des élèves ou écoliers qui ont été avancés de classe sans avoir un bagage suffisant. Est-ce que vous ne pensez pas qu'arriver dans les classes à test, cela soit un échec pour eux? Il y a plutôt des avancements de masse qui ne tiennent pas compte de la loi. Je dois donc plutôt dire que c'est archi-faux. Il y a donc une réglementation. Les élèves avancent quand ils réussissent. Et ceux qui ne réussissent pas reprennent l'année ou alors ils abandonnent l'école. Il y a peut-être avancement suivant un pourcentage bien déterminé à partir de la 6e année. Donc pour passage de la 6e année à la 7e année. Mais sinon, arriver en 7e année, en 8e année, en 9e année, il y a donc des conditions de passage qui sont bien définies. Donc avance de classe, c'est lui qui a satisfait à ces conditions de passage. Vous nous excuserez de cette mauvaise qualité de l'élément sonore. La mesure de suspendre de leurs fonctions les directeurs dans les écoles auront enregistré moins de 30% dans les évaluations de fin de cycle est un clin d'œil à ces derniers pour qu'ils s'acquittent convenablement de leur mission. Ces propos sont d'Emmanuel Machandari, président du syndicat CONAPES. Il indique néanmoins que la réussite des élèves dépend de plusieurs facteurs, dont les conditions d'études et le matériel didactique. Suivez. Nous avons vu la correspondance de la ministre de l'Éducation, de l'Enseignement supérieur de la recherche scientifique, mettant en garde les responsables scolaires, dont les élèves ne vont pas avoir 30% dans les évaluations externes, c'est-à-dire le concours de la 9e et l'examen d'État en première, que ceux directeurs seront limogés. Dans un premier temps, c'est un bon cadre parce que nous observons à laisser aller dans certains établissements où certains chefs ne s'acquittent pas de leur émission. Mais en même temps, ces directeurs risquent d'être victimes de certaines situations dont ils ne sont pas responsables. Ici, je parle d'abord le pléthore des enfants dans les classes. Nous observons aujourd'hui des classes pléthoriques où on a dans une classe plus de 100 élèves, 90 et même 130. Deuxièmement, les écoles accusent énormément de lacunes en matière d'équipement en rives et laboratoires. C'est-à-dire que dans une classe de 100 élèves, vous allez voir les 10 rives. Vous voyez qu'il serait très très difficile d'assimiler la matière si on n'a pas de rive, si le professeur n'a pas de documents pédagogiques nécessaires. Donc, cela aura un impact sur les apprentissages parce qu'on devrait avoir au moins un rive par pupitre. Il y a plein d'écoles aujourd'hui qui disposent de ces équipements. Or, les élèves n'ont pas l'occasion de s'exercer, de faire la lecture, de faire des manipulations parce que ces maisons-là n'existent pas. Emmanuel Machandali trouvait que certains directeurs d'école sont nommés sans qu'ils aient des compétences requises. Il fait savoir que le manque d'enseignants est également un des facteurs d'échec. Il demande au gouvernement d'engager des enseignants qualifiés. Suivez-le encore une fois. Il y a un autre cas qui est imputable à l'État même, au ministère, la nomination des responsables scolaires aujourd'hui. Nous avons des gens qui sont nommés directeurs alors qu'ils viennent de passer une année en train d'enseigner. Et même déjà des fois, qui sortent effectivement des auditoires et qui sont nommés des responsables scolaires. voyez que l'encadrement devient tellement difficile parce que lui-même ne maîtrise pas l'administration, ne maîtrise pas les responsabilités au niveau des écoles, comme on le dit en français. Même la plus belle fille du monde donne ce qu'elle a. Si le responsable scolaire n'est pas outillé pour faire l'encadrement, il faut que les retombées se font marquer à travers les résultats au niveau des écoles. Avec ce manque criant d'enseignants dans certaines contrées du pays, ça aura aussi un autre impact négatif sur les apprentissages, parce que nous avons vu que avec cette réforme fondamentale et post-fondamentale, certains enseignants sont en train de dispenser des matières dans lesquelles ils ne disposent pas de connaissances. Et même dans certains coins, vous trouvez que ce sont les directeurs qui sont en train d'enseigner et en même temps s'occuper de l'encadrement administratif. Donc, vous voyez que ça devient toute une chaîne de facteurs qui entrent en jeu pour que réellement le niveau des enfants puisse s'améliorer. On demanderait au gouvernement qu'il fasse un effort pour recruter des enseignants qualifiés. Captez Isanganilo, écoutez la différence. Libération après plus de 3 mois de détention des 8 hommes qui avaient été arrêtés par l'administrateur communal de Ngozi dans un bistrot. Il les accusait de tenir une réunion illégale. Accusé par le ministère public de tentative d'atteinte à la sécurité intérieure de l'État lors de l'audience publique, le tribunal de grande instance leur a infligé une amende de 20 000 francs burundais chacun sur infraction de tenue illégale de réunion. Tous les 8 sont des militants de la coalition Amizero Barundi fidèle au député Agathon Rwasa. Apollinaire Muzagara. Ces 8 hommes composés d'enseignants du secondaire, des juges et étudiants ont été arrêtés le 19 février de cette année. L'administrateur de la commune Ngozi les a trouvés dans un bistrot au destin du chef de la province Ngozi et les a arrêtés puis conduits au cache. Son Gambere Radjab les accusait de tenir une réunion illégale en tant que militant du FNL fidèle à Agathon Rwasa lors de l'audience publique du 5 mai passé. Les personnes ont nié les accusations, indiquant qu'il prenait envers comme les autres, même s'il y en a parmi eux qui affirment être de la coalition Misère Yabarundi et d'autres sans aucune formation politique. Dans cette audience, le ministère public les accusait de tentatives d'atteinte à la sécurité intérieure de l'État en tenant une réunion illégale et leur avocat de la défense a alors évoqué la loi sur les partis politiques, arguant qu'il n'y a aucune infraction pénale individuelle présent sur Maître Onésime Kibatura, a même exigé n'office qu'un élément attestant la tenue d'une réunion comme un procès verbal ou autre, mais au tribunal de grande instance de Ngozi a alors condamné chacun des 8 à payer une amende de 20 000 francs. Maître Onésime Kibatura dit être à moitié satisfait d'abord par leur libération, car ils vont gagner leur service. De l'autre côté, il dit être agacé par leur condamnation, alors que selon lui, il n'y a aucune infraction présente sur Ngozi. Apollinaire Muzagara, Radio Isanganiro. Merci Apollinaire. Au sport, la formation de football, les jeunes athlétiques évoluant en deuxième division, baptisée Primus League B, est provisoirement classée première dans la poule A. C'est au moment où 3 premières de la poule B sont à ex aequo. À l'11e journée de la compétition, 2 clubs, à savoir Flamengo de la poule A et Santé Sport de la poule B, sont provisoirement les derniers du championnat de la deuxième division édition 2017. Evariste Nzikowanyanga a suivi pour nous le déroulement des matchs de la 11e journée. Ce samedi, Unité FC de Moyinga a battu Santé Sport de Karoussi 1-0. Le match opposant Kayanza United contre Flambeau du Centre de Gitega s'est soldé sous le score de 2-1. Des Tastar de Gatumba a battu Mososhuga de Karoussi sur le score de 2-1. Rumonge City et les Crocos tous de Rumonge ont fait match nul de 0-0. Tandis que la formation policière Rukinzo a battu Flamengo 4-2. Ce dimanche à 14h, au stade des Princes du Guangasore, Burundi Sport Dynamique s'est imposé 5-1 contre Volontaire, tandis qu'à 16h, Standard s'est incliné 3-1 devant les jeunes athlétiques. À Gatumba, Espoir a été battu à domicile par les éléphants de Bobanza sur le score d'1-0. Le championnat de football en deuxième division, baptisé Primus League, est à 3 journées de sa clôture. Dans la poule A, les jeunes athlétiques est premier avec 21 points, Espoir est deuxième avec 19 points, les éléphants est troisième avec 18 points, Burundi Sport Dynamique est classé quatrième avec 17 points, en cinquième position vient Rukinzo avec 14 points, Standard est sixième avec 14 points, En 7e position vient Volontaire avec 11 points. Et en 8e et dernière position de poule vient Flamengo avec 9 points. Dans la poule B, Mossochuga est première avec 19 points. Flambeau du Centre est deuxième avec 19 points. En 3e position vient Delta Star avec 19 points également. Unité est 4e avec 14 points. Kayanza United est 5e avec 14 points. En 6e position vient les Crocos avec 13 points. Rumonge City est 7e avec 11 points. Et le dernier de poule qui occupe la 8e place, il s'agit de Santé Sport de Karoussi avec 7 points. Merci Evariste. En actualité internationale, l'opération de révision du fichier électoral a commencé hier dimanche en République démocratique du Congo. Dans ce même pays, un otage français qui avait été kidnappé à l'Est début mars a été libéré. Le Monde célèbre la journée des casques bleus ce 29 mai. Barthélémy Bitana nous parle également du ministre algérien chargé du tourisme qui a été limogé 3 jours après sa nomination. Le ministre algérien de tourisme et d'artisanat a été limogé dimanche, 3 jours seulement après sa nomination, annonce la présidence sans expliquer les raisons de ce renvoi. Selon Jeune Afrique, la nomination de M. Messoud Benagoun, âgé de 38 ans, avait été critiquée par des médias qui avaient notamment souligné que le nouveau ministre n'avait jamais exercé aucune fonction. Investir dans la paix à travers le monde, tel est le thème de la journée internationale des casques bleus de ce 29 mai. Selon la RFI, l'ONU déploie actuellement plus de 113 000 militaires, policiers et civils dans le cadre de 16 opérations de maintien de la paix sur 4 continents. En République démocratique du Congo, les élections sont attendues au plus tard à la fin de cette année. Ce dimanche 28 mai a commencé à Kinshasa ce qui devait constituer la dernière étape de la révision du fichier électoral. Selon la RFI, le premier ministre Bruno Tshibala a promis au peuple congolais les meilleures élections de son histoire. Dans ce même pays, un ressortissant français a levé le 1er mars a été libéré, a annoncé dimanche 28 mai le président français Emmanuel Macron dans un communiqué. Le chef de l'État français a félicité l'ensemble des acteurs qui ont œuvré à sa libération, en particulier les autorités de la République démocratique du Congo pour leur mobilisation et l'efficacité de leur action. Merci Barthélémy. Et voilà, c'est par ici que nous mettons un point final à cette édition. Merci de l'avoir suivi. Merci également à Albert Ndouaye pour la collaboration technique. Excellente journée à tous. Au revoir. Léonce Vitaliho.